Nombre chapitre 21. Quand le Chananéen, roi de Hara, qui habitait au Midi, eut appris qu'Israël venait par le chemin des espions, et combattit contre Israël, et en emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel, en disant, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je mettrai ces villes à l'interdit. » Et l'Éternel exauça la voix d'Israël, et livra entre ses mains les Chananéens, lesquels il détruisit à la façon de l'interdit, avec leurs villes. Et on nomma ce lieu la Horma. Puis ils partirent de la montagne d'Or, tirant vers la mer Rouge, pour environner le pays d'Édom, et le cœur manqua au peuple par le chemin. Le peuple donc parla contre Dieu, et contre Moïse, en disant, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors de l'Égypte, pour mourir dans ce désert, car il n'y a point de pain, ni d'eau, et notre âme est ennuyée de ce pain si léger. » Et l'Éternel envoya sur le peuple des serpents brûlants qui mordaient le peuple, tellement qu'il en mourut un grand nombre de ceux d'Israël. Alors le peuple vint vers Moïse, et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Invoque l'Éternel, et qu'il retire de dessus nous les serpents. » Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche, et il arrivera que quiconque sera mordu, et le regardera, sera guéri. » Moïse donc fit un serpent d'airain, et le mit sur une perche, et il arrivait que quand quelque serpent avait mordu un homme, il regardait le serpent d'airain, et il était guéri. Depuis, les enfants d'Israël partirent, et campèrent en Oboth. Et étant partis d'Oboth, ils campèrent en Ijéabarim, au désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. Puis étant partis de là, ils campèrent vers le torrent de Zéred. Et étant partis de là, ils campèrent au-dessa d'Arnon, qui est au désert, sortant des confins de l'Amoréen, car Arnon est la frontière de Moab, entre les Moabites et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit au livre des batailles de l'Éternel, « Va et Bansupha, et les torrents en Arnon. » Et le cours des torrents qui tend vers le lieu où Ar est situé, et qui se rend aux frontières de Moab. Et de là il vint Rambé, c'est le puits touchant lequel l'Éternel dit à Moïse, « Assemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte, puis. » Chantez de lui en vous répondant les uns aux autres. C'est le puits que les seigneurs ont creusé, que les principaux du peuple, avec le législateur, ont creusé de leurs bâtons. Et du désert ils vinrent en Matana, et de Matana en Nahaliel, et de Nahaliel en Bamoth. Et de Bamoth en la vallée qui est au territoire de Moab, au sommet de Pisga, et qui regarde vers Jésimon. Puis Israël envoya des ambassadeurs à Sihon, roi des Amoréens, pour lui dire, « Que je passe par ton pays, nous ne nous détournerons point dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons point des eaux de tes puits, mais nous marcherons par le chemin royal, jusqu'à ce que nous ayons passé tes limites. Mais si on ne permit point qu'Israël passât par ces terres, et il assembla tout son peuple, et sortit contre Israël au désert, et vint jusqu'en Jaha, et il combattit contre Israël. Mais Israël le fit passer au fil de l'épée, et conquit son pays, depuis Arnon jusqu'à Jébo, et jusqu'aux enfants de l'Amon, car la frontière des enfants de l'Amon était forte. Et Israël prit toutes les villes qui étaient là, et habita dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon, et dans toutes les villes de son ressort. Or Hesbon était la ville de Sihon, roi des Amoréens, qui avait le premier fait la guerre au roi de Moab, et avait pris sur lui tout son pays jusqu'à Arnon. C'est pourquoi on dit en proverbe, « Venez à Hesbon. Que la ville de Sihon soit bâtie et réparée. Car le feu est sorti d'Hesbon, et la flamme de la cité de Sihon, elle a consumé Ar des Moabites, et les seigneurs de Bamoth à Arnon. Malheur à toi, Moab, peuple de Chémo, tu es perdu. Il a livré ses fils qui se sauvaient, et ses filles, en captivité, à Sihon, roi des Amoréens. Nous les avons défaits à coups de flèche, Hesbon est péri, jusqu'à Dibon, nous les avons mis en déroute jusqu'en Nepha, qui atteint jusqu'à Médéba. Israël donc habita en la terre des Amoréens. Puis Moïse ayant envoyé des gens pour reconnaître Jazé, ils prirent les villes de son ressort, et en dépossédèrent les Amoréens qui y étaient. Ensuite ils se tournèrent, et montèrent par le chemin de Basan, et Og, roi de Basan, sortit, lui et tout son peuple, en bataille, pour les rencontrer en Édréhi. Et l'Éternel dit à Moïse, ne le crains point, car je l'ai livré entre tes mains, lui et tout son peuple, et son pays, Et tu lui feras comme tu as fait à Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Ils le bâtirent donc, lui et ses enfants, et tout son peuple, tellement qu'il n'en demeura pas un seul de reste, et ils possédèrent son pays.